Avez-vous eu dans les oreilles ce bourdonnement qui ressemble au bruit d'un moulin à eau? Avez-vous observé dans la solitude, pendant la nuit ou même en plein jour, comment les souvenirs de la vie passée s'agitent, comme en résurrection, un par un, deux par deux, toutes les fautes commises, tous les crimes, toutes les sottises viennent vous pousser le sang jusqu'au bout des oreilles, vous faire sourdre la sueur jusque dans les cheveux, vous agiter d'un frisson jusque dans le dos. Vous revivez la vie vécue depuis la naissance jusqu'au jour actuel. Vous souffrez encore une fois toutes les souffrances endurées. Vous buvez tous les amers calices bus tant de fois. Vous vous crucifiez le squelette parce qu'il n'y a plus de chair à mortifier. Vous vous brûlez l'âme parce que votre cœur est déjà consumé. Vous connaissez cela? C'est le moulin du Seigneur qui est lent à moudre, mais broie fin et noir. Vous êtes réduit en poudre et vous vous croyez fini. Mais non, cela va recommencer et de nouveau, on va vous passer au moulin. Soyez heureux et reconnaissants. C'est l'enfer ici-bas. C'est l'enfer ici-bas. L'enfer ici-bas. Inferno de Auguste Strindberg. Adaptation Juliette Eman. Réalisation Christine Bernard-Sugy. Avec Jean-Michel Dupuis. Première partie. À bientôt. Novembre 1894. Avec une joie féroce, je revenais de la gare du Nord, où j'avais laissé ma petite femme, partie pour rejoindre notre enfant, tombé malade, au pays lointain. Consommer l'immolation de mon cœur. Les dernières paroles résonnèrent encore comme des mensonges non avérés, parce qu'un pressentiment me disait que ces adieux seraient les derniers. De retour dans ma méchante chambre d'étudiant au quartier latin, je fouillais mon coffre-fort et tirais de leur cachette si creusée en porcelaine fine, une pince et un paquet de soufre pur achevaient l'installation du laboratoire. Un feu de forge est allumé dans la cheminée, la porte fermée et les rideaux baissés, la nuit tombe. Le soufre brûle à flammes infernales et vers le matin, je constate la présence de carbone dans ce corps estimé simple, le soufre. Et par là, je crois avoir résolu le grand problème. Renverser la chimie régnante et gagner l'immortalité accordée aux mortels. Or, la peau des mains, cuite devant le grand feu, tombe en écailles, et la douleur provoquée par l'effort même de me déshabiller me rappelle le prix de ma conquête. Je continue mes expériences, tandis que les gerçures des mains s'enveniment, que les crevasses éclatent et se remplissent de poussière de coq, que le sang suinte et que les douleurs deviennent insupportables. Tout ce que je touche me fait mal. Et enragé des supplices que je veux attribuer à des puissances inconnues qui me persécutent et entravent mes efforts depuis tant d'années, j'évite les hommes, néglige les réunions, décommande les invitations et éloigne les amis. Il se fait autour de moi du silence et de la solitude. C'est le calme du désert, solennel, horrible, où par bravade, je provoque l'inconnu, luttant corps à corps âme à âme. Les inconnus m'empêchèrent de poursuivre le grand œuvre. Et il faut briser les obstacles avant de remporter la couronne des vainqueurs. J'ai eu tort, et tout de même, j'ai, et j'aurai raison. J'ai prouvé la présence du carbone dans le soufre. Je vais y déceler l'hydrogène et l'oxygène, car il faut qu'ils y soient. Mes appareils ne suffisent plus. L'argent me manque. Mes mains sont noires et sanglantes. Noires comme la misère, sanglantes comme mon cœur. Personne ne me visite. Et je ne peux voir personne. Froissé que je suis avec tout le monde. Je me sens sublime. Flottant sur la surface de quelques mers, j'ai levé l'ancre. Et je n'ai nulle voilure. Automne 1895. Mort au monde en renonçant en joie vaine de Paris, je reste en mon quartier, où je visite tous les matins les morts du cimetière Montparnasse. Je me suis habitué à regarder ce champ d'asile comme mon jardin de plaisance, de façon que je considère un visiteur occasionnel comme un indiscret. Moi et les morts. Je monte à l'allée Le Noir, toute garnie de cyprès, comme l'allée Raffet. C'est une sensation de puissance extrême de passer entre ces lignes d'arbres droits comme des grenadiers au bonnet à poil vert et qui présentent les armes. Quand il fait un peu de vent, il se ploie, faisant la révérence sur deux lignes, et je marche, fier comme un maréchal, jusqu'au bout de l'allée. Entre les cyprès, ces milliers de tombeaux couverts de fleurs poussées sur les pierres dures, nourris de cadavres et arrosés par des larmes sincères ou mi-fausses. Pourquoi d'ailleurs toutes ces fleurs sur les sépulcres? Les fleurs, ces vivantes mortes qui mènent une existence sédentaire, n'opposant point de résistance contre une attaque, qui souffrent plutôt que de faire le mal, qui simulent les amours charnels, se multiplient sans lutte et meurent sans se plaindre. Un enfant me demandait une fois: pourquoi les fleurs si belles ne chantent-elles pas comme les oiseaux? Elles chantent, mais nous ne savons pas les entendre. Ayant découvert l'existence d'une main invisible qui dirige mes pas sur le chemin raboteux, je ne me trouve plus esseulé et j'apporte à mes actes et à mes paroles une attention rigoureuse, sans du reste toujours réussir. Banqueroutier de la société, je renais dans un autre monde où personne ne peut me suivre. Des événements insignifiants attirent mon attention. Les songes de la nuit revêtent la forme de présages. Je considère que je suis mort et que ma vie se passe dans une autre sphère. Je fis mon entrée à l'hôtel Orfila, situé au 60 de la rue d'Assas, le 21 février 1896. Avec son aspect de cloître, c'est une pension pour les étudiants du cercle catholique. Le silence, l'ordre et les bonnes mœurs règnent ici. Et, ce qui me soulage, les femmes ne sont pas admises. La maison est vieille, les chambres basses, les couloirs sombres, et les escaliers en bois serpentent, comme dans un labyrinthe. Il y a dans ce bâtiment une atmosphère de mysticisme qui m'a attiré depuis longtemps. Ma chambre donne sur une ruelle fermée, de sorte que, du milieu de la pièce, la vue ne s'étend que sur une muraille moisie avec deux petites fenêtres en œil de bœuf. Mais, assis à ma table devant la fenêtre, je considère un paysage ravissant et inattendu. Sous un mur d'enceinte tapissé d'un lierre, c'est une cour de couvent pour jeunes demoiselles, des platanes, des polonias, des robinias. Une chapelle délicieuse, en style ogivale. Plus loin, de hautes murailles avec d'innombrables petites fenêtres grillées, ce qui me fait penser à un monastère. Plus loin dans la vallée, une forêt de cheminées surmontant de vieilles maisons à demi cachées, et dans le lointain, la tour de l'église Notre-Dame-des-Champs, avec la croix, et tout en haut, le coq. Très satisfait de ma chambre, je dors bien la première nuit. Le lendemain, je découvre que le cabinet des anges est situé dans la ruelle au-dessous de ma fenêtre, si près que tout le mécanisme s'entend avec le clic-clac de la soupape en fer mobile. Puis, je découvre que les deux œils de bœuf d'en face appartiennent à des cabinets. Ensuite, je m'assure que les 100 petites fenêtres au fond de la vallée appartiennent à autant de cabinets situés au revers d'une série de maisons. Si j'avais connu Swedenborg à cette époque, j'aurais compris que je me trouvais condamné par les puissances à l'enfer excrémentiel. Pour le moment, je fulminais contre la noire des veines qui me persécutait depuis tant d'années. Puis je me calmais avec une résignation morne qui plie sous le destin. Je m'édifiais en lisant le livre de Job, convaincu que l'Éternel m'avait livré à Satan pour m'éprouver. Je marche tout noirci, mais non par le soleil. Je suis devenu le frère des dragons et le compagnon des hiboux. La peau de mon corps est devenue noire et mes os sont desséchés par l'ardeur qui me consume. C'est pourquoi mon chant s'est changé en lamentation et mes orgues ont des sons lugubres. N'y a-t-il pas une analogie entre le sort de Job et le mien ? Ne suis-je pas frappé d'un ulcère incurable ? La pauvreté ne m'a-t-elle pas accablé, mes amis, abandonné ? La souffrance me réjouit, comme un témoignage de confiance de la part du Tout-Puissant. Oh, le bonheur de l'homme que Dieu châtie. Le printemps est venu. La vallée des larmes qui s'étend sous ma fenêtre reverdit et fleurit. Je suis triste à mourir. Mais les rires joyeux des jeunes filles qui jouent là-bas, invisibles sous les arbres, m'atteignent au cœur et me réveillent à la vie. La vie s'écoule et la vieillesse approche. Femme, enfant, foyer, tout est dévasté. L'automne au-dedans, le printemps au-dehors. C'est dans ces dispositions d'esprit que, plié sur mon travail par un lourd après-midi, j'écoute les sons d'un piano sous ma fenêtre, derrière le feuillage de la vallée. Je prête l'oreille, comme à la trompette le coursier, je me redresse et réconforte mon esprit. Je respire, c'est bien le réveil de Schumann, Aufschwung. Et de plus, c'est bien lui qui joue. C'est mon ami, le russe, Popovski, mon disciple. C'est lui qui est venu de Berlin à Paris pour me tuer, comme il me tua à Berlin. Et pour quel motif? Parce que le destin avait voulu que son épouse actuelle ait été ma maîtresse avant qu'il la connût. Était-ce ma faute si cela s'était arrangé ainsi? Assurément non. Et néanmoins, il me voua une haine mortelle, me calomnia, m'empêcha de placer mes pièces dans les théâtres, trama des intrigues qui me privèrent des revenus nécessaires à la subsistance. C'est alors que, dans un accès de rage, je le frappai en pleine poitrine, d'une manière brutale et lâche, si lâche que j'en souffris, comme si j'avais commis un assassinat. Maintenant qu'il est venu me tuer, cela me soulage, car la mort seule peut me délivrer du remords. Qu'il frappe donc, je ne me défendrai pas, parce qu'il a raison, et que la vie n'est rien pour moi. Tout un mois, la musique continue, le soir, de 4 à 5. Pourquoi joue-t-il? Pour m'apprendre son arrivée, afin de m'effrayer et de me pourchasser dans ma fuite, afin de m'assassiner. Éternel, veuille me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon secours, que cela soit confondu et déshonoré, qu'ils cherchent mon âme pour la perdre, et que ceux qui prennent plaisir à mon malheur soient repoussés dans leur confusion, que ceux qui disent de moi soient consumés en châtiment de la honte qu'ils m'ont faite. Vers quel inconnu mon invocation impie prit-elle son essor? Je ne saurais le dire, mais la suite de cette aventure démontrera au moins que le vœu fut exaucé. Juin 1896. Le réveil de Schumann a cessé et je suis de nouveau tranquille. 18 juin, j'apprends que Popovski est arrêté à Berlin, accusé d'avoir assassiné une femme et deux enfants, sa maîtresse et les deux enfants qu'il avait eus avant son mariage. Est-il possible que mes prières ferventes aient détourné le poignard qui, par ma riposte, a frappé l'assassin en plein cœur? Ces derniers jours, une inquiétude nouvelle m'a saisi. Il me semble que l'on s'occupe de moi quelque part. La haine du Russe emprisonné me fait souffrir comme l'effluve d'une machine électrique. Il y a des moments où je pressens que mon séjour à Paris va bientôt prendre fin et qu'une péripétie nouvelle m'attend. Le coq de la croix de Notre-Dame-des-Champs me paraît battre des ailes comme s'il voulait s'envoler dans la direction du nord. 28 juin. J'ai vu ma femme en rêve. Il lui manquait les dents de devant. Elle me donna une guitare qui ressemblait au canot du Danube. J'attends une éruption, un tremblement de terre, un coup de foudre, sans savoir en quel endroit. Nerveux comme un cheval à l'approche des loups, je flaire le danger et prépare mes malles pour la fuite, sans cependant pouvoir bouger. Les grandes chaleurs de juillet sont venues, la vie est intolérable. Tout sent mauvais, et les 100 cabinets plus que le reste. J'ai appris que le Russe avait été relâché de prison, faute de preuves. J'attends une catastrophe sans pouvoir dire laquelle. Je lis une délicieuse brochure, La joie de mourir, qui me donne le désir de quitter ce monde. Pour reconnaître la frontière de la vie et de la mort, je me couche sur le lit et je débouche le flacon de cyanure de potassium qui répand son parfum mortel. Le voici qui s'approche, l'homme à la fourre. Il est doux et d'allure voluptueuse. Mais au dernier moment, il arrive toujours quelqu'un ou quelque chose à l'improviste. Le garçon, sous un prétexte quelconque, une guêpe qui entre par la fenêtre. Les puissances me refuse la seule joie et je me soumets devant leur volonté. Au commencement de juillet, les étudiants partis en vacances laissèrent l'hôtel vide. C'est pourquoi l'arrivée d'un étranger dans la chambre voisine de ma table de travail excite ma curiosité. L'inconnu ne parle jamais. Il semble occupé à écrire derrière la cloison qui nous sépare. Bizarre tout de même, qu'il recule sa chaise toutes les fois que je pousse la mienne. Il répète mes mouvements comme s'il voulait m'agacer par son imitation. Cela continue 3 jours. Le 4e, je remarque que, quand je vais me coucher, l'autre se couche dans la chambre qui est auprès de ma table. Mais une fois au lit, je l'entends qu'il va se coucher dans l'autre chambre et occuper le lit voisin du mien. Je l'écoute. Étendu parallèlement à moi, il feuillette un livre, puis éteint la lampe, respire, se retourne et s'endort. Un silence parfait règne dans la chambre, auprès de la table. Donc, il habite les deux chambres. C'est désagréable d'être assiégé des deux côtés. Seul, tout seul, Je prends le dîner sur un plateau dans ma chambre. Et je mange si peu que le garçon compatissant a pitié de moi. Je n'ai pas entendu ma voix depuis une semaine. Et faute d'exercice, le son commence à disparaître. Je n'ai plus le sou. Le tabac et les timbres-postes me font défaut. Alors, dans un suprême effort, je concentre ma volonté. Je veux faire de l'or, par la voix sèche et par le feu. La chaleur est excessive et, nu jusqu'à la ceinture, comme un forgeron, je sue devant le feu allumé. Mais les moineaux ont fait leur nid dans la cheminée et la fumée de charbon entre dans la chambre. J'enrage après le premier essai à cause des maux de tête et de l'inanité de mes opérations, puisque tout va à l'envers. Après avoir refondu la masse 3 fois au feu de forge, je regarde l'intérieur du creuset. Le borax a formé une tête de mort, avec 2 yeux luisants qui me percent l'âme. Comme une ironie surnaturelle. Encore aucun grain de métal. Pour la première fois, je doute de mes recherches scientifiques. Si c'est une folie, hélas, j'ai sacrifié le bonheur de ma vie et de celle de ma femme et de mes enfants pour une chimère. Malheur à moi insensé. Le gouffre s'ouvre entre ma famille et cet instant qui fuit. 1 an et demi. Tant de jours et tant de nuits, tant de douleurs pour rien. Non, cela ne doit pas être, cela n'est pas. Je m'affaisse dans le fauteuil. Une lourdeur inusitée pèse sur mon esprit. Il semble que des effluves magnétiques me viennent de la cloison. Le sommeil accable mes membres. Je suis empoisonné. Voilà la première idée qui me vient. Et Popovski est arrivé ici. C'est lui qui a projeté un courant de gaz à travers le mur, selon l'expérience célèbre de Pettenkofer. Et que faut-il faire? Aller au commissariat de police? Non. Car si les preuves manquent, on m'enfermera comme fou. Voe soli. Malheur à l'homme solitaire, au passereau sur le toit. Jamais la misère de mon existence n'a été plus grande, et je pleure comme un enfant abandonné qui s'épouvante dans les ténèbres. Le soir, je n'ose plus rester à ma table, par crainte d'un nouvel attentat. Je me mets au lit, sans oser m'endormir. 3 heures durant, je demeure éveillé, privé du sommeil qui, d'habitude, ne se fait pas attendre. Alors, une sensation alarmante glisse à travers mon corps. Je suis la victime d'un courant électrique qui passe entre les 2 chambres voisines. La tension va croissant et malgré la résistance, je quitte le lit. On me tue, je ne veux pas être tué. Je sors chercher le garçon dans sa loge au bout du corridor, mais hélas, il n'y est pas. Donc, éloigné, écarté, complice, tacite, vendu. Je descends l'escalier et franchis le corridor pour éveiller le patron de l'hôtel. Avec une présence d'esprit dont je ne croyais pas capable, je prétexte une indisposition causée par les émanations des produits chimiques et demande une autre chambre pour la nuit. Par un hasard, organisé par la colère de la Providence, la seule chambre disponible est située au-dessous de celle de mon ennemi. Une fois seul, j'ouvre la fenêtre et respire l'air frais d'une nuit étoilée. Au-dessus des toits de la rue d'Assas et de la rue Madame brille la grande ours et l'étoile polaire. Vers le nord, donc. Omen à Kipio. Le lendemain, dimanche 19 juillet, je fais mes bagages sous prétexte d'une excursion au bord de la mer. Cocher, gare Saint-Lazare. Cocher, tournez là. Monsieur, direction le jardin des plantes. Nous n'allons plus à la gare? Non. Conduisez-moi rue de la Clé. Bien, monsieur. Hé hey, hé hey. Enfin une pause dans les supplices. Le calme qui a suivi ma fuite me prouve que ce n'est pas une maladie qui m'a atteint et que des ennemis m'ont persécuté. Cependant, assuré d'être à l'abri, j'envoie mon adresse à l'hôtel Orfila afin de rentrer en communication avec le monde extérieur par les envois de poste interrompus par ma fuite. Mais à peine avais-je levé mon incognito, la paix est rompue. D'abord, dans la chambre du rez-de-chaussée voisine de la mienne, qui était libre et sans meubles, voici que s'entassent des objets dont l'usage me reste inexplicable. Un vieux monsieur avec des yeux d'ours gris et méchants y apporte des boîtes de marchandises vides, des lames de tôle et d'autres objets indéfinissables. En même temps, les bruits recommencent au-dessus de ma tête. On hale des câbles, on frappe avec des marteaux, précisément comme si se préparait le montage et l'installation d'une machine infernale, comme celle des nihilistes. Maintenant, au-dessus de moi, c'est une roue qui, toute la journée, tourne. Condamné à mort. C'est ma ferme impression. Par qui ? Par les Russes, les dévots, les catholiques, les jésuites, les théosophes. Et pour quel motif ? Comme sorcier ou magiste noir ? Ou bien par la police ? Comme anarchiste ? Le matin du dernier jour, je me lève avec une résignation que je voudrais appeler religieuse. Rien ne m'enchaîne plus à la vie. J'ai mis ordre à mes papiers, écrit les lettres nécessaires, brûlé ce qu'il fallait anéantir, puis je vais au jardin des plantes, dire adieu à la création. Rentré à l'hôtel, je flaire la présence de quelqu'un qui est arrivé pendant que je n'étais pas là. Je ne le vois pas, mais je le sens. Par surcroît, je remarque deux ouvriers montés sur un toit, rue Sensier, juste en face du pavillon où je demeure. Ce qu'ils font là-haut, je ne puis le discerner, mais ils visent ma porte-fenêtre, tout en maniant des objets que je ne distingue pas. Pourquoi ne me décidais-je pas à fuir ? Parce que je suis trop fier, et que ce qui est inévitable doit être subi. Je me prépare donc pour la nuit. Je prends un bain, très soigneux de voir mes pieds blancs, ce à quoi je tiens, parce que ma mère m'a enseigné dès mon enfance que les pieds noirs sont un signe de déshonneur. Je me fais la barbe et parfume ma chemise de noces, achetée 3 ans auparavant, à Vienne. La toilette du condamné à mort. À 10 heures, ma lampe est éteinte et je m'endors, tranquille, résigné comme un agonisant. Je m'éveille. Une pendule sonne 2 heures. Une porte se ferme et je sors du lit, comme élevé par une pompe aspirante qui me sucerait le cœur. Sur pied, une douche électrique me tombe sur la nuque et me presse par terre. Je me redresse, prends mes habits et me précipite dans le jardin, en proie aux battements de cœur les plus horribles. Habillé, je pense tout de suite, très nettement, à aller chercher le commissaire de police pour entreprendre une perquisition domiciliaire. Or, la porte de la maison est fermée, ainsi que la loge du concierge. J'avance à tâtons, ouvre une porte à droite et entre dans la cuisine où est allumée une veilleuse. Je la renverse et reste debout, dans l'obscurité profonde de la nuit. La peur me fait reprendre connaissance et, guidé par la pensée que si je me trompe, je suis perdu, je retourne dans ma chambre. Je traîne un fauteuil dans le jardin et, assis sous la voûte étoilée, je songe à ce qui s'est passé. Une maladie ? Impossible. Puisque je me portais bien avant d'avoir levé mon incognito. Un attentat? Évidemment, puisque j'en ai vu moi-même les préparatifs. D'ailleurs, ici, dans ce jardin, hors de la portée de mes ennemis, je suis rétabli. Et mon cœur fonctionne parfaitement. J'aborde la porte vitrée de la chambre du rez-de-chaussée dans l'intention de forcer la serrure, mais inutilement. Fatigué de cette lutte contre les invisibles, je m'affaisse dans le fauteuil, où le sommeil a pitié de moi, en sorte que je m'assoupis sous les étoiles d'une belle nuit d'été, au murmure des roses trémières, parmi la faible brise de juillet. Que faut-il faire pour dormir tranquille la nuit? Qu'est-il arrivé? Ma foi, je ne saurais le dire, mais j'ai pris en horreur ma chambre à coucher, et je déménage demain. Jeune homme, athée réaliste, qu'est-il arrivé? Diable! Et comme j'ouvrais ma porte pour rentrer la nuit, quelqu'un m'a saisi le bras et m'a secoué. Il y a donc quelqu'un dans votre chambre? Mais non. J'ai allumé les bougies. Je n'ai vu personne. Jeune homme, il y a quelqu'un que l'on ne voit pas à la lumière des bougies. Qu'est-ce que c'est? C'est l'invisible, jeune homme. L'invisible. L'invisible. Le soleil me réveille. Et, rendant grâce à la Providence qui m'a arraché de la mort, je fais mes petits bagages pour aller à Dieppe, où je trouverai un abri chez mes amis, négligés comme tous les autres, mais indulgents et généreux aux mal partagés et aux naufragés. En quittant l'hôtel, je jette une malédiction sur la tête des malfaiteurs et j'appelle le feu du ciel sur ce repaire de brigands. À tort ou à raison, qui peut savoir? D'où venez-vous, malheureux? Je viens de la mort. Je m'en doutais, à voir votre mine de déterré. À Dieppe, mes excellents amis ont été épouvantés quand ils m'ont vu grimper la petite côte de la Villa des Orchidées, avec mon sac de voyage, lourd de manuscrits. La bonne et charmante dame de la maison m'a pris par la main et m'a conduit devant une glace. La figure noire de la fumée du chemin de fer, les joues creuses, les cheveux en sueur et grisonnants, les yeux hagards, le linge noirci, j'étais à faire pitié. Quand l'aimable dame, qui me traitait comme un enfant malade et abandonné, me laissa seul devant la toilette, j'examinais de près mon visage. Il y avait dans les traits une expression qui me fit horreur. Ce n'était ni la mort ni le vice, c'était quelque chose d'autre. Ici j'avais connu Swedenborg, l'empreinte laissée par l'esprit malin m'eût éclairé sur mon état d'âme et sur les événements des dernières semaines. C'est pour ma pénitence que je suis poussé en ce lieu par les furies. C'est une belle maison d'artiste. Un bon ménage, avec le bonheur conjugal, des enfants ravissants, du luxe et de la propreté, une hospitalité sans bornes, de la générosité dans les opinions, une atmosphère de beauté et de bonté qui me brûle. Et parmi tout cela, je me déplais comme au paradis un damné. C'est là que je commence à découvrir que je suis un damné. J'occupe une mansarde qui a vue sur le sommet de la côte où est situé un hospice de vieillards. Le soir, je découvre, appuyés au mur d'enceinte, deux hommes qui espionnent notre villa et qui désignent, avec leurs gestes, la place de ma fenêtre. L'idée que je suis persécuté par des ennemis électriciens m'obsède de nouveau. C'est la nuit du 25 au 26 juillet 1896. Mes amis ont fait leur possible pour me rassurer. Nous avons visité ensemble toutes les mansardes voisines de la mienne, même le grenier, pour me prouver que personne n'est caché dans un but coupable. Mais en ouvrant la porte d'une chambre de débarras, un objet, indifférent par lui-même, me fait une impression décourageante. C'est un ours blanc, utilisé comme tapis. Mais la gueule béante, les canines menaçantes, les yeux pétillants m'agacent. Et pourquoi faut-il que cette bête se soit trouvée là, juste à ce moment? Sans me déshabiller, je me couche sur le lit, décidé à attendre que le coup fatal de 2 heures soit sonné. J'attends jusqu'à minuit, occupé de lecture. 1 heure est passée, et toute la maison dort tranquille. Enfin, 2 heures sonnent. Rien n'arrive. Alors, dans un accès d'arrogance, et pour défier les invisibles, peut-être même dans l'intention de faire une expérience de physique, je me lève, ouvre les 2 fenêtres, allume 2 bougies. Attablé derrière les chandeliers et m'offrant comme une cible, la poitrine découverte, je provoque les inconnus. Me voici, imbécile. Alors un effluve, comme électrique, se fit sentir. D'abord faible. Je regarde la boussole, préparée comme témoin, mais il n'y a pas de trace de déviation. Et par conséquent, pas d'électricité. Or, la tension augmente. Mon cœur bat énergiquement. Je résiste, mais avec la rapidité de la foudre, un fluide remplit mon corps, m'étouffe et me suce le cœur. Je me précipite en bas de l'escalier pour gagner le salon du rez-de-chaussée où l'on m'avait préparé un lit provisoire. En cas de besoin, je m'efforce de dormir. Mais alors, une décharge m'assaille comme un cyclone, m'arrache du lit. Et la chasse recommence. Je me cache derrière le mur, je me mets sous le chambranle des portes, devant les cheminées, partout, partout. Les furies me trouvent. Je cherche l'atelier de mon ami le peintre et, couché sur le tapis, je ferme les yeux. 5 minutes plus tard, je suis éveillé par un bruit énervant. Une souris me regarde avec l'intention évidente de s'approcher. Je la chasse, elle revient avec une autre. Mon Dieu, ai-je le délire alcoolique, sans avoir abusé du vin, ces 3 dernières années ? Je remonte l'escalier jusqu'à ma mansarde. Les bougies sont consumées. Le silence règne. Alors, sonne l'Angélus. C'est le jour du Seigneur. Je prends le paroissien romain et je lis « De profundis clamaviat te domine ». Puis, consolé, je tombe sur le lit. Comme un mort. Le surlendemain, 28 juillet, je quitte Dieppe. Cette fois avec une bénédiction sur la maison dont les joies légitimes furent assombries par mes angoisses. Repoussant encore l'idée d'une intervention des puissances spirituelles, je m'imagine être atteint d'une maladie nerveuse. C'est pourquoi je vais aller en Suède. Chercher un médecin ami. Comme souvenir de Dieppe, j'emporte une pierre, qui est une sorte de minerai de fer, d'une forme trifoliée, comme un vitrail ogival, et portant la signature de la croix de Malte. Je l'ai reçue d'un enfant. Tiens, prends-la. C'est pour toi. Je l'ai trouvée sur la plage. Ces sortes de pierres tombent du ciel. Et après, les vagues les apportent sur le sable. J'aime à croire son explication. Et je garde le cadeau comme un talisman dont la signification me demeure encore mystérieuse. Tout au sud de la Suède, au bord de la mer est située la petite ville d'Istad. L'habitation de mon médecin offre l'aspect d'un monastère bouddhique. Un massif de roses du Bengale décore un mur extérieur de l'aile occidentale, où je demeure seul. Installé dans mon petit appartement, je remarque aussitôt le lit de fer américain, avec ses 4 piliers, surmontés de boules de laiton, et qui ressemblent au conducteur d'une machine électrique. Ajoutez-y le sommier élastique, composé de ressorts à boudin en cuivre, analogue aux spirales de la bobine de Ruhmkorff. Et jugez de ma fureur devant ce hasard diabolique. Impossible de demander un changement de lit, sous peine d'être soupçonné de manie. Pour m'assurer que rien n'est caché au-dessus de mon lit, je monte au grenier. Pour comble de malchance, il n'y a là-haut qu'un seul objet. Et c'est une énorme maille de fil de fer, entortillée, et placée juste au-dessus de mon lit. Voilà, me dis-je, un accumulateur. En cas d'orage, ce qui est très fréquent ici, le réseau de fer attirera la foudre et je reposerai sur le conducteur. En même temps, le bruit d'une machine m'inquiète. Un bourdonnement d'oreilles me persécute depuis mon départ de l'hôtel Orfila. Quelque chose comme le trépignement d'une roue hydraulique. Et voici la nuit effroyable. Le ciel est couvert. L'air est lourd. On attend un orage. Je n'ose me coucher. Et passe 2 heures à écrire des lettres. Écrasé de fatigue, je me déshabille et me glisse entre les draps. Un silence horrible règne dans la maison lorsque j'éteins la lampe. Je sens que quelqu'un, dans l'ombre, me guette, m'effleure, me tâte le cœur et suce. Sans attendre, je saute du lit, ouvre la fenêtre et me précipite dans la cour. Mais les rosiers sont là et ma chemise ne me protège pas du tout contre la flagellation des épines. Déchiré, ensanglanté, je traverse la cour et, les pieds nus, écorchés sur les cailloux, égratignés par les chardons et les orties, tout en glissant sur des objets inconnus, je gagne la porte de la cuisine qui ouvre sur l'appartement du médecin. La pluie tombe. Oh, misère des misères. Qu'ai-je fait pour mériter ces tortures? Évidemment, c'est l'enfer. Miserere, miserere. C'est trop singulier que personne ne soit jamais là quand on m'attaque. Toujours des alibis. Donc, c'est un complot dont tous sont complices. Qui est là? C'est moi qui suis malade. Ouvre ou je meurs. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce sont encore mes ennemis électriciens de la rue de la Clé. Et tais-toi, malheureux. Tu es atteint d'une maladie mentale. Fichtre, examine mon intelligence. Lis ce que j'écris tous les jours et que l'on imprime. Silence! Pas un mot à personne. Les traités d'aliénation mentale connaissent à fond ces histoires d'électriciens. Par exemple, je m'en soucie si peu de vos traités d'aliénation que, pour en avoir le cœur net, je partirai demain pour l'asile de Lund, afin de me faire examiner. Alors tu es perdu. Allez, pas un mot de plus et va te coucher ici à côté. Mais écoute-moi! Non, je ne veux plus rien entendre. Et va te coucher à côté. Nous avons commencé un traitement par l'eau froide. Et j'ai changé de chambre. Pour les nuits maintenant assez tranquilles. Sauf pourtant quelques rechutes. Un soir, le docteur remarque le paroissien sur ma table de nuit. Encore cette religion, c'est un symptôme. Comprends-tu cela? Ou un besoin comme les autres? Mais assez. Je ne suis pas un athée, mais je pense que le Tout-Puissant ne veut plus de l'intimité d'autrefois. C'est fini les cajoleries avec l'Éternel. Donne-moi ça. Et la Bible aussi. Lis des choses indifférentes, d'un intérêt secondaire, histoire universelle, mythologie, et laisse les songes creux. Et avant tout, gare à l'occultisme, la science abusive. Il est défendu des pieds les secrets du Créateur, et malheur à ceux qui les surprennent. Malheur. Malheur. Il y a des bagatelles qui renouvellent sans cesse mes soupçons sur les intentions malveillantes du docteur. Aujourd'hui, il a planté dans la véranda qui donne sur le jardin des haches, des scies, des marteaux tout neufs et ne servant à rien. 2 fusils et 1 revolver dans sa chambre à coucher. Et dans un couloir, encore une collection de haches, trop grosses pour servir au ménage. Quel satanique hasard que cet attirail de torture exposée à mes regards et qui m'inquiète à cause de son inutilité et de son caractère insolite. Les nuits sont devenues assez tranquilles pour moi, tandis que le docteur commence à faire des promenades alarmantes. C'est ainsi que j'ai été réveillé par un coup de fusil au milieu de la nuit la plus obscure. Discret, je fais celui qui n'a pas entendu. Au matin, il explique l'affaire, alléguant une troupe de pies qui venait dans le jardin troubler son sommeil. Une autre nuit, c'est la femme de ménage qui profère des cris rauques à 2 heures du matin. Suis-je dans une maison hantée? Et qui m'a envoyé ici? On n'ose pas me tuer. On veut seulement me rendre fou par des artifices, puis me faire disparaître dans une maison blanche. Le 15 août 1896, je reçois une lettre de ma femme. Elle s'apitoie sur ma destinée. Elle m'aime toujours. Et elle espère pour notre enfant un heureux changement de condition. Les parents qui me haïssaient jadis ne sont pas insensibles à mes souffrances. Et je suis invité à aller voir ma fille, cet ange, qui demeure à la campagne, chez les aïeux en Autriche. C'est le rappel à la vie. Embrasser la pauvre innocente, lui égayer l'existence par les petits soins d'un père avide de prodiguer ses affections, dont il fut avare depuis 10 ans. Je commence à renaître. Je m'éveille enfin d'un mauvais rêve. Et je comprends la bienveillante volonté du maître sévère, qui m'a puni d'une main dure et intelligente. Maintenant, je comprends les paroles obscures et sublimes de Job. Oh, le bonheur de l'homme que Dieu châtie. Le bonheur parce que, pour les autres, il ne s'en soucie pas. Je ne sais si, là-bas, au Danube, je vais retrouver ma femme. Et cela m'est devenu presque indifférent, à cause d'une indéfinissable incompatibilité de caractère. Et cependant, je prépare mon pèlerinage, suffisamment conscient que c'est un voyage de pénitence et que de nouveaux calvaires me sont réservés. Oh, le bonheur de l'homme que Dieu châtie. Inferno de Auguste Strindberg. Adaptation Juliette Eman. Première partie. Avec Jean-Michel Dupuis, Auguste Strindberg et Yves Pignot, Françoise-Henri Kummer, Christian Zanetti, Daniel Rezzi, Julien Mourou, Gaël Zax, Thomas Fitterer, Cédric Simon, Julien Turgis. Musique originale de Dominique Massa, mixée par Fabrice Chantôme. Musique additionnelle, Kancheli, Gurdjieff, John Zorn, Krensky, Schumann. Bruitage, Jean-François Bernard Sugy. Prise de son, montage, mixage, Philippe Carminati, Cécile Dume. Assistante, Anne-Laure Chanel. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Seconde partie, samedi prochain.